Sans moi, de Marie Desplechin. Adaptation, Catel Guillot. Sur les conseils de plusieurs de mes amis, j'avais engagé Olivia pour s'occuper de mes enfants, Suzanne et Gaspard. Au fil des mois, elle se livrait de plus en plus. Ex-junkie, enfant de la DAS, elle revenait de loin. Elle me parlait des agressions et des viols dont elle avait été plusieurs fois la victime, y compris durant son enfance en Normandie chez les Lerouilly, sa famille d'accueil. Elle me raconta notamment comment les voisins l'emmenaient dans les bois pour abuser d'elle. Je comprenais mieux le rapport étrange qu'elle entretenait avec les choses du sexe. Septième épisode. Olivia m'avait prévenu dès notre première rencontre. Je sais pas faire à manger. Moi, je savais. Mais depuis un moment, je faisais des enquêtes pour un nouveau boulot qui m'amenait à effectuer de minuscules et fréquents voyages. J'étais passée par la plupart des villes françaises, petites et grandes, Aubagne, Grenoble, Reims, Biarritz, Bourg-en-Bresse. J'avais rencontré des mineurs, des assureurs, des agriculteurs, des profs, des banquiers, des chercheurs, des informaticiens, enfin bref, toutes sortes de gens. Ils me parlaient de leur métier, j'étais payée pour ça. Je quittais l'appartement très tôt le matin pour prendre un train ou un avion. Je partais sans bruit, laissant Olivia orchestrer le lever. Je n'étais pas indispensable au petit déjeuner. En revanche, je m'arrangeais toujours pour être de retour à l'heure du dîner. Mais ce jour-là, l'après-midi s'achevait et je gelais à Nevers. Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. En raison des intempéries, les trains à destination de Paris, Lyon, Marseille partiront avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Bon, okay. Nous vous donnerons des précisions dès que possible. Merci de votre compréhension. La glace avait pesé si lourd sur les câbles. Elle avait si bien gainé les rails que les trains ne pouvaient plus rouler. Il était clair que cette fois, je ne serais pas rentrée à temps. Ouais, Olivia, c'est moi. Eh ben non, je suis encore à Nevers, là. Je sais pas, c'est le froid qui a... Bah, disons une heure et demie, j'espère pas plus. Mais m'attendez pas pour manger, hein. Bah, t'as qu'à prendre un truc dans le frigo, c'est pas compliqué, hein. Mais si, bon, allez, mais si, c'est pas compliqué. Tu vas très bien y arriver. Allez, à tout à l'heure. De toute façon, je peux pas rentrer plus tôt. J'ai traîné dans le hall de la gare. Salut. Je me suis acheté un coca et un Toblerone. Je me suis assise dans le train et me suis pelotonnée dans ma doudoune, comme dans un cocon moelleux. J'ai même pas vu les quais s'éloigner à travers la vitre. Je me suis endormie avant. Arrivée à Paris, j'ai pris un taxi et j'ai foncé chez moi. J'étais contente de rentrer dans un appartement chaud et plein de rires d'enfants. J'ai ouvert la porte. Il y a un froid de canard là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, hey, c'est quoi toute cette fumée là? Oh! Olivia! Oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, tu vois, je fais comme tu m'as dit. Olivia était debout devant la cuisinière, toute rouge et décoiffée. Avec de petits mouvements spasmodiques, elle agitait une poêle dans laquelle bouillonnait une épaisse flaque d'huile. Oui, bah fais attention parce que tu vas te brûler là. Dans l'huile barbotaient trois trucs d'un blanc crayeux que marquaient par endroits des traces de suie. En dépit de la violence de la friture, les trucs restaient entiers. Ils tressautaient bien un peu, mais ils refusaient de se déliter. Je me suis demandé un instant à quoi attribuer leur vigueur. Et puis j'ai trouvé. Ils étaient gelés. Quatre blocs de matière gelée précipités dans l'huile bouillante. Je voyais là une brutalité intègre et toute médiévale. C'est quoi? Ah bah tu vas pas, c'est du poulet. C'est du poulet? Bah oui, dans le congélo, on a du frigo. Les morceaux avaient gardé leur cœur d'albâtre, mais leur surface était carbonisée. La fumée qu'ils dégageaient était noire et poisseuse. Voilà sûrement la raison pour laquelle les fenêtres de la cuisine étaient grandes ouvertes. Il devait faire moins 5 degrés à tout casser. Putain, mais tu aurais pu faire des œufs, j'en avais acheté hier. J'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voulez, des œufs ou du poulet? Ils m'ont dit du poulet, alors je prépare du poulet, je sais pas le faire. D'accord, mais t'étais au courant que je savais pas le faire. Un courant d'air féroce a traversé la pièce. Olivia a reposé la poêle. Sans prendre le temps de lui répondre, j'ai attrapé le manche et j'ai bazardé l'huile et les pauvres bouts de poulet dans l'évier. Mais moi aussi, la première fois, j'ai... Je parlais dans le vide. Olivia avait déjà quitté la cuisine. Mais ça fait combien de temps que tout est ouvert ici ? On aurait mieux fait de commander des pizzas. Elle est où, Suzanne ? Dans sa chambre. Elle dit qu'elle a faim. Gaspard était enroulé dans sa couette, assis devant la télé. Seul le bout de son nez dépassait. Il était rouge et scintillant. On aurait dit un rubis. Parce que les pizzas, on peut les faire livrer, c'est pas tellement plus cher et puis c'est bien plus simple. Bon, c'est bon, j'ai compris. La prochaine fois, je laisserai 30 euros et tu les commanderas, tes putains de pizzas. Oh, maman, mais pourquoi tu t'énerves ? C'est pour tout gâcher, t'avais qu'à rentrer plus tard. On aurait pu manger sans toi. Je suis restée sans voix. Il avait pas tort. J'aurais dû rester traîner un peu en ville avant de revenir me faire houspiller par moins 10 degrés dans des émanations d'huile et de poulet gelé. Mais toi, t'as vu comment tu parles à ta mère ? Elle est dehors toute la journée pour gagner notre argent et tout ce que tu trouves à dire quand elle rentre, c'est qu'elle devrait pas rentrer ? Tu crois que ça lui fait plaisir ? Trahi, Gaspard s'est terré sous sa couette. Il croyait défendre des intérêts communs, mais il avait oublié l'essentiel. Avant tout, Olivia était légitimiste. 10 minutes plus tard, nous étions attablés devant des œufs et des pâtes. Je n'avais pas très faim. Les enfants chipotaient. Ils n'osaient pas protester, mais ils auraient préféré du poulet, je le savais. Mais je te l'avais dit que je n'allais pas faire à manger. Ah, je te l'avais dit. Arrête. Tout le monde sait faire à manger, il suffit de s'y mettre. Tu prends n'importe quoi, une boîte de pâtes, du thon, tu... Mais je m'en fous de savoir faire à manger, ça m'intéresse pas. Tu comprends ça ? Tu comprends ou pas ? Qu'est-ce qu'elle a, Olivia ? Bon, allez, tout le monde au lit, là. Et vous, monsieur ? Demain. Au lit ! Vous avez les dents avant. Le lendemain matin, Olivia s'est levée tôt. Il fallait à nouveau qu'elle aille chez le médecin. Elle s'était trouvée un bon phlébologue. Il faut faire gaffe avec ça. Tu sais qu'on peut mourir des jambes ? Je savais pas, non. J'avais encore jamais soupçonné précisément les jambes. Mais dans le fond, ça ne m'étonnait pas. De quoi ne meurt-on pas ? Des orteils ? Et un psychiatre ? T'en vois un ? Tu veux dire un psychothérapeute ? Olivia sourit d'un air entendu. Justement, elle venait d'en trouver un. Je n'avais pas fini de m'étonner que cette fille qui ignorait l'existence de Marx fût si avertie de celle de Freud. Ah, il n'a pas l'air aussi calé que le docteur Cajoudiara, mais bon... Son intérêt pour la psychologie datait de son premier internement à Sainte-Anne et de ses conversations avec le responsable du service. Elle en parlait souvent. Et elle ne mentionnait jamais son nom sans le faire précéder de son titre, le docteur Cajoudiara. À plusieurs reprises, il l'avait invitée à revenir le voir. C'était un type qui aimait rigoler et avec elle, il était servi. Ils étaient restés en contact depuis qu'il était retourné chez lui en Guadeloupe. J'aimais entendre revenir son nom musical. Cajoudiara. Je l'imaginais derrière son bureau, goguenard et bienveillant, gratifiant une demi-dingue de 15 ans d'assez d'intelligence et d'amour pour la conduire jusqu'à l'âge qu'elle avait aujourd'hui. Il s'appelle comment celui-là ? Tant que je me souvienne. Oh, mince, j'ai oublié son nom. Putain, mais c'est marrant que tu m'en parles maintenant parce que j'ai eu mon premier rendez-vous hier. Et alors ? Oh, tu verrais les yeux qu'il a. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit ? Bah, rien. Ah, comment ça, rien ? À force de questions indiscrètes, je me suis rendu compte qu'elle ne lui disait rien à ce type. Elle n'osait pas. Et quand elle s'obligeait à lui parler, elle lui mentait. Elle négligeait des choses, arrangeait les faits. Pas un mot des sortilèges de la drogue. Pas un mot des bourbiers de l'enfance. Et à Cajoudiara, tu lui mentais aussi ? Ah non, non, Cajoudiara, c'était pas pareil. Il en a vu d'autres, lui, la rue, le crack, tout ça, il connaissait. Il sentait bien les embrouilles. Mais lui, là, le nouveau, il a encore rien vu. Il est tout neuf, tout propre dans sa blouse blanche. Non, jamais j'oserais. Mais à quoi bon aller le voir, alors ? Ben, je sais pas, moi. Est-ce que tu sais toujours à quoi ça sert, tout ce que tu dis aux gens que tu croises, toi ? Bonjour ! Vous êtes bien chez Suzanne, Gaspard et Anne. C'est moi qui... Vous pouvez laisser un message ? Après le bip. Anne, c'est maman. Écoute, je suis en train de faire le planning des chambres, là. J'aurais besoin de savoir quel jour tu comptes arriver avec les enfants. Parce que il y a déjà deux chambres de prise, une pour ton frère et une pour tante Hélène. Les cousins de Dijon arrivent le 23. Ils sont 6 avec tous les enfants. Alors il faut que je m'organise, tu comprends? Bon, rappelle-moi, d'accord? Allez, je t'embrasse, ma chérie. Noël approchait. Dans l'appartement, les listes de cadeaux avaient fait leur apparition. J'en ramassais des ébauches que les enfants laissaient traîner sur les tables, le canapé, allez, n'importe où. Encore un peu. Stop, stop, peut-être pas trop près de la cheminée quand même. Ouais. C'est un vrai? Ben ouais, évidemment que c'est un vrai. Tu vois pas la différence avec celui que Madame Alves a mis dans le hall de l'immeuble? Ben justement, j'étais en train de me dire qu'il faisait moins vrai celui-là. Parce que les aiguilles, elles sont bleues et l'autre, il est... Enfin... Chez Madame Alves, elles sont vertes, quoi. Ah oui, peut-être, mais enfin, l'autre, c'est du vert synthétique, enfin. Ça, c'est du bleu authentique. Suzanne, viens voir, il y a un sapin. Chelou, bleu pour moi. Oh, un sapin. Vous pouvez décorer? Bah oui, attends, on va le mettre. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, stop, il y a toujours tout. Ouais, mais c'est moi qui l'ai fait en premier. Bah, ça n'a rien à voir, il n'est pas quelqu'un. Si vous n'êtes pas capable de vous entendre, moi, c'est moi qui vais dire les rôles, là. Alors, Gaspard, tu feras les boules. Et Suzanne, tu t'occupes des câlins. La fin des classes approchait. Suzanne nous a présenté un bulletin trimestriel excellent. Gaspard a hésité quelques jours à montrer le sien qui le créditait pour tant de belles possibilités, très largement sous-employé. T'as vu ça un peu? Quoi ça? Regarde, c'est un surdoué. Même son prof, il est obligé de le reconnaître. Ouais, bah, un génie qui fout rien, c'est ce que ça donne plus tard. Au mieux un bon à rien, au pire un ivrogne. Hein. Tu dis ça pour moi? Olivia, est-ce que je t'ai déjà dit que tu foutais rien? Je sais pas, mais... Non, mais... Enfin, du tout. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tu décroches pas? Les clients s'affolaient. Oh non, c'est bon, ça va comme ça. Moi, j'ai ma dose pour la journée. Il fallait rendre. N'importe quoi, mais rendre. Ces gens avaient des âmes d'écoliers, laborieuses et bornées. Ils voulaient tous brusquement faire le point avant Noël. Pour ranger leur bureau, je présume. Allô, bonjour madame, c'est Brigitte, la demi-sœur de Livia. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien lui parler. Elle est invitée à passer Noël chez nous, à Cergy, en famille. C'est qui? Si elle avait la politesse de nous rappeler. Olivia, s'il te plaît, réponds. Oh, merde. Au revoir madame, au plaisir. Merde, mais ça me saoule, il faut que j'y aille en fait, pour mon neveu et ma nièce. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que c'est Noël, c'est tout. Je regardais Olivia. Je reconnaissais sans hésitation notre personne familière, celle qui dit oui parce qu'elle ne peut pas dire non. Cette fois, pas question de l'abandonner à son défaut. Je fis ce que je désirais si souvent pour moi. Je pris la décision et lui forçai la main. Bah enfin, je croyais que tu venais avec nous chez mes parents, moi. J'ai besoin de toi pour le voyage. Non, mais ça m'arrange pas du tout que t'ailles chez ta sœur. Ma demi-sœur. Ouais, bah je la rappellerai, moi. On verra très bien que j'ai besoin de toi. Ouais, mais mon stage... Quoi ton stage? Mon stage de clown. Bah, il commence le 26, non? Je rentrerai le 25 au soir, voilà tout. Tu crois? Bon, bah, si ça te rend service, évidemment. Mais... Allô, maman? Ouais, c'est moi. Écoute, en fait, on va être 5. Ouais, voilà, Olivia vient avec nous. Nous avions rendez-vous le 24 au matin, voilà. Gare du Nord, au départ du quai. Laurent traînait avec lui un gros sac que Gaspard et Suzanne ont scruté d'un œil retors. Le sac était mal fermé. On y voyait scintiller les emballages irisés des cadeaux et mousser le bolduc exubérant. Oui, donne-moi ton sac. Oui, tonton Laurent. Oui. Il y a des cadeaux pour nous. Oh, oui, oh, c'est pas loin de le dire, ça. Allez, vite. Les enfants se donnaient des coups de coude en riant silencieusement. Dans le train, ils n'ont pas lâché Laurent d'une semaine. Imagine que le temps, c'est comme une suite de tuyaux. Le rire et moi, franchement, le rire, je suis bonne qu'à ça. Demande à Étienne. Comme un tout ce qui m'arrive dans la vie, tu vois un peu? Où est-ce que t'allais chercher ça, toi? C'est maman qui lui a acheté un magazine. Il répète tout ce qu'il y a dedans comme un perroquet. Tu sais, parce que t'es même pas capable de comprendre, petit bébé. N'importe quoi. Je crois que c'est pour ça qu'ils aiment bien les gens, parce qu'ils sentent que. Ouais. Tu vois. Ah, maman, hein? Le temps, c'est comme un alignement de tuyaux d'orgue. Je sais pas. Non, pour moi, c'est... Le temps, c'est un cercle sur lequel on passe et on repasse. Tu vois, Noël, par exemple. Pas Noël, ça revient tous les ans. Comme Pâques aussi, tu vois. Non? Bon, ok. Mais je comprends pas, Gaspard, pourquoi tu veux qu'il y ait du coup. Mes parents étaient hospitaliers et généreux. Depuis plusieurs années, ils avaient instauré une forme de Noël pléthorique. Ils invitaient 40 personnes, cuisinaient pour 60, achetaient à boire pour 80. Au soir du 24, entre 9h et minuit, débarquaient chez eux une cinquantaine de personnes de tous âges et de toute nature, des familiers, des amis, des proches. Les agapes se déroulaient principalement entre la cheminée du salon et le buffet de la salle à manger. Les doubles portes intérieures restaient ouvertes en permanence. La cuisine servait d'annexe. Les invités bavards dessinaient une lente chorégraphie. Leur groupe se formait, se déformait, comme les figures changeantes d'un kaléidoscope, traversées ça et là d'enfants échevelés. Alors, qu'est-ce que tu viens? Ah, bonsoir. Tu travailles toujours dans le... Attends, rappelle-moi un peu ce que tu fais. À vrai dire, je suis pas moi-même. Et voilà. Je te dis de ne pas courir partout, regarde ce que ça fait maintenant. C'est pas Gaspard, c'est pas Gaspard qui l'a. Mais écoute, ça va, franchement, est-ce que ça nous a un peu pour une fois, c'est Noël. Oui, oui, bon bah tu peux t'amuser sans péter toutes les bouteilles de champagne aussi. Mais là, arrête. Oui, oui, non mais je sais. Il y a un verre qui est tombé, c'est bon. Bon, je vais déjà, je sais. Pouh, ça va toi sinon? T'ennuies pas trop là, c'est pas trop... Ah non, franchement, au contraire, je rencontre plein de gens, super, vraiment. C'est super, tant mieux. Hein. Tu vois ce mec par exemple, il m'a dit qu'elle avait fêté le nouvel an au Maroc. C'est une drôle de coïncidence quand même. Ouais. Une coupe de champagne dans une main, une cigarette dans l'autre. Olivia s'extasiait. Ça m'a choquée quand il m'a dit ça. Elle portait une chemise noire scintillante. Ses boucles d'oreilles se balançaient dans son cou. Elle était ravissante. C'est chouette d'avoir une famille comme ça. Mais attends, ils sont pas tous de ma famille. Hein. La plupart, je les connais à peine, tu sais. Pas du tout un Noël en famille. Hein. Est-ce qu'il est bon champagne? J'en prendrais bien un peu. Bah vas-y, hein, profite-en. Aux alentours de minuit, une partie des invités nés dans les années 60 montaient se droguer dans les chambres. Ils en redescendaient le sourire en tranches de pastèque. La soirée continuait. Les plus âgés n'y voyaient que du feu, ils avaient tellement bu. Laurent? Ouais. T'as vu Olivia? Oui, je crois que j'ai vu monter avec Steph tout à l'heure. Avec Steph? T'es sûr? Ouais. Ah, Laurent! Oh, vieux pote! Alors, est-ce que tu viens? Quand j'ai retrouvé Olivia, il était 2h. Elle voulait aller se coucher. Elle disait qu'elle devait être en forme pour son stage. Elle espérait filer, mais je l'ai chopée au bas de l'escalier. Attends. Regarde-moi. Quoi? Vas-y, regarde-moi. Là. Quoi? De quoi? C'est quoi ces pupilles? Je te jure que j'ai rien pris. Je te jure. Tu te fous de moi là? Tous les autres se droguent et toi tu les regardes et tu touches à rien. Je te promets. De toute façon, ils fument moi, et j'aime pas ça. Mais ils fument à Noël. Mais tu me prends vraiment pour une buse ou quoi? Bon, d'accord, ils font pas que fumer, mais moi j'aime pas les acides non plus. Et ben alors, on peut savoir pourquoi t'es montée avec eux? Et parce qu'ils sont sympas, c'est tout. T'as qu'à leur demander, ils te diront que je me suis pas droguée. Tu crois vraiment qu'ils vont me dire la vérité, les mecs? Elle tenait ses cadeaux à la main. Ah ouais. Je lui avais offert un short en soie qui descendait aux genoux et un caraco qui lui montait aux épaules. Ma mère, une bague d'argent en forme de marguerite. Elle restait immobile et contrite face au vent de ma fureur, me regardant par en dessous avec un misérable sourire. J'aurais presque juré qu'elle aimait ça. Bon, écoute, je te préviens. Si jamais je te repique à comploter, c'est fini, t'entends? C'est fini. Tu ne refous plus les pieds chez moi. Maintenant, va te coucher. Bonne nuit. Elle a tourné le dos et elle a grimpé les marches sur la pointe des pieds, rapide et légère comme un ballon de foire. J'ai contemplé l'escalier vide avec sévérité. C'était bien. Franchement, ils sont gentils dans ta famille. Ouais. Et c'est pas ma faute, hein. C'est ton cousin qui m'a branché sur la dos, puis il m'a posé plein de questions, voilà. C'est bon. Ouais, il m'a même demandé mon numéro de téléphone, tu vois. Tu lui as donné? Bah non, il a insisté, mais j'ai dit que j'avais perdu le mien. Il m'a dit qu'il m'enverrait un mail. Ah, très bien. C'est bien, maintenant j'ai une bonne raison de le brouiller avec lui. Quoi? Parce qu'il se drogue? Mais non, parce qu'il m'embrouille. Parce qu'il t'embrouille toi aussi. C'est parce que je suis responsable de toi, si tu veux savoir. Donc tu me crois maintenant que je suis pas droguée? Hein? Tu me crois que je suis pas droguée? Mais oui, je te crois. Tu sais même pas à quel point je te crois. Je te fais confiance à mort. Ça, c'est sympa. Ah non, pas du tout. C'est juste que j'ai pas le choix. Bah non. Bon, les clés de l'appartement qui nous a vu dans mon statut. Oh, salut. Et bonne chance pour le stage, hein. Allô. Et t'oublie pas de donner deux tours de clé dans la porte le matin quand il sort. T'inquiète, je ferai tout bien. Tu pourras rien me dire. Allez. Je vais les oreilles. Sans moi. Un roman de Marie Desplechin. Publié aux éditions de l'Olivier. Adaptation, Catel Guillot. 7e épisode. Avec Marie Payen, Judith Chemla, Mylène Bonnet, Christine Vézinet-Krombeck, Anna Servinka, Vincent Berger, Marc Berman, Madeleine Ziadé et Ambroise Maran. Et les voix de Cosme Castro, Régis Royer, Lisbeth Arasi-Mornay, Blanche Cluzet, Margaret Zenou, Jérémy Lornac et Stéphanie Schwarzbrot. Bruitage, Sophie Bissons. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Philippe Redin, Éric Villonfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossire.